cela s'ajoute un nouveau jour de grève des cheminots. Hein. Le 30e depuis le début du mouvement, la direction prévoit 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. A noter que c'est aujourd'hui que l'Assemblée doit définitivement adopter le projet de loi sur la réforme ferroviaire. De son côté, la CFDT appelle à suspendre le mouvement durant la période du bac. Il a passé la nuit en garde à vue. Le preneur d'otages de 26 ans de la rue des Petites Écuries à Paris vient d'être transféré en psychiatrie. Il est décrit comme instable psychologiquement. Hier, il a retenu pendant 4 heures 2 personnes dans un immeuble parisien avant d'être interpellé dans la soirée. Connu pour de la petite délinquance, il n'est pas fiché pour radicalisation. Alerte au valporate, le traitement déjà interdit pendant la grossesse ne doit plus être prescrit aux adolescentes et aux femmes en âge d'avoir des enfants, sauf circonstances exceptionnelles en cas d'épilepsie, décision de l'ANSM, l'agence du médicament. 40% des fœtus exposés à cette molécule utilisée pour traiter les troubles bipolaires sont victimes de malformations ou bien de retards moteurs ou intellectuels. Bientôt l'heure du choix pour la première Coupe du Monde à 48. À la veille du coup d'envoi du Mondial de foot en Russie, focus sur l'édition 2026. C'est aujourd'hui que les fédérations membres de la FIFA choisissent qui du trio États-Unis, Canada, Mexique ou bien du Maroc accueillera la première compétition à 48 équipes. Et puis sur le terrain, 20 ans après, les Bleus ont encore gagné. L'équipe de France 98 s'est imposée 3-2 hier soir lors du match des Légendes face à une sélection FIFA de la même année. La météo, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange, pluie, inondation ce matin. Mais globalement, le temps est enfin à l'amélioration sur une majeure partie du pays avec la fin des orages, à l'exception encore des Pyrénées avec beaucoup de pluie attendue encore ce matin, ainsi que quelques averses sur les Alpes, en Corse et sur le Jura. Ailleurs, le ciel assez chargé en début de journée va s'éclaircir au fur et à mesure de la journée. Le soleil finira par s'imposer un peu partout sur le pays. Les températures ce matin, il fait 10 degrés à Metz, 11 à Paris, 12 à Calais, Auxerre et Dicavo, 13 à Guingamp, 17 à Orange. L'après-midi, on attend 15 à Dieppe, 19 à Dijon et 21 à Cahors. Ça, c'est le dernier Pink. Whatever you want sur RTL 2. Ok. So. Running like a dog, fighting like a bitch too much and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. sur RTL 2. RTL 2, la chanson du jour. La chanson du jour tous les jours à 7h35, Greg. Alors ce matin, direction l'année 2009 avec des Irlandais du Nord, un groupe de potes étudiants au départ qui rencontrent le succès ensemble. C'est le groupe Snow Patrol et la chanson c'est Just Say Yes. C'est sur l'album Up to Know pour ceux qui sont fans. Alors l'histoire de cette chanson, elle est assez dingue parce qu'au début, c'est le leader du groupe qui s'appelle Gary Lightbody qui est à Los Angeles et sa maison de disques, son label lui dit bah écris cette chanson pour Gwen Stefani qui sort son album solo, c'est la chanteuse du groupe No Doubt, Gwen Stefani. Sauf qu'elle écoute et la chanson, elle est rejetée. Elle en veut pas, ça arrive. Elle lui plaît pas. Voilà, elle doit faire un choix de 8 à 12 chansons, elle veut pas de cette chanson. Alors, à côté de ça, la star des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, se dit tiens, je vais me lancer dans la carrière solo. Elle écoute la chanson, elle adore la chanson. Elle va sur son premier album, sauf que ce premier album ne sort pas et elle sort un autre premier album. Chanson maudite, se dit-on. Elle n'est pas prise par deux grandes divas de la pop. Finalement, le label anglais de Snow Patrol leur dit les gars, on va faire plus simple. Maintenant, cette chanson-là, c'est un tube. Vous allez la chanter, vous. Et voilà comment Snow Patrol s'est retrouvé à chanter cette chanson après avoir failli la donner à deux stars. On écoute Snow Patrol, c'est ma chanson du jour. Just Say Yes dans le double expresso RTL 2. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick. Nor a trick of the Just Say Yes, c'était ma chanson du jour signée Snow Patrol. Ils reviennent et leur concert sera en janvier prochain avec RTL2. Toutes les infos sur rtl2.fr. Tiens, j'écouterai bien Ed Sheeran, je vous dis ça comme ça. J'adore cette chanson. Et puis la banque RTL2, 3928 banque au 74 900, ça peut gagner des vacances, des téléphones, des iPads et jusqu'à... jusqu'à 10 000 euros. Comme Déborah il y a une semaine, à tout de suite sur RTL2. RTL2 vous invite au mythique festival américain Lollapalooza, samedi 21 et dimanche 22 juillet à Paris. Deux jours, quatre scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Ragan Boneman, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal The Man, Kaleo. Restez bien à l'écoute d'RTL2, la radio pop rock. Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, vous nous offrez un étonnant duo contre les taches. Oui, le sérum VinoPerfect et la nouvelle essence concentrée éclat. Deux gestes très efficaces contre les taches liées au soleil, à l'âge, au masque de grossesse, aux cicatrices d'acné. Et quel est le secret de l'efficacité de ce duo? La viniférine, un actif breveté par Caudalie, issu de la sève de vigne. Les femmes s'en enduisaient le visage pour enlever les taches, avoir un teint lumineux. Les tests cliniques le prouvent, l'essence double l'efficacité du sérum. Sérum VinoPerfect et essence concentrée éclat. La force d'un duo contre les taches. En pharmacie, par pharmacie. Cuisinière exigeante cherche le chariot de course pratique et tendance pour faire ses emplettes avec style. Justement, chez Grand Frais, un chariot de course et 45 euros en bon d'achat sont à gagner tous les jours dans votre magasin. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 16 ou 17 juin pour les magasins ouverts le dimanche, voir règlement sur grandfrais.com. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre collègue vous accompagne au bureau avec sa sublime Peugeot 208 avec écran tactile et caméra de recul, vous lui proposez de faire vous-même la manœuvre pour la garer sur son emplacement de parking réservé. En ce moment, la Peugeot 208 style suréquipée est à partir de 109 euros par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1550 euros, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used up. Somebody hurts 9h, c'est le double expresso RTL 2. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Qui ont la prière et l'artiste le plus diffusé dans les bars britanniques. C'est pas vraiment une surprise et c'était perfect. C'est l'heure de la banque RTL 2. Ouais, parce qu'il y a quand même des gars qui font le tour de tous les bars britanniques pour savoir qui est l'artiste le plus joué et c'est Ed Sheeran. Bien, Morgane est avec nous ce matin. Bonjour Morgane. Bonjour Greg, bonjour Justine. Bonjour. Ça va bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oh non Morgane, elle a cool. Et on est entre nous, hein, regardez. C'est ouais, Greg et Juju, c'est Momo, tout oui, va oui, on a la cool. Vous nous appelez d'où? De Sens. Enfin, c'est pas très loin de Troyes. Voilà, moi j'habite entre Sens et Troyes et là je vais au travail. Ok. Bon courage pour le boulot, évidemment. Oui. Alors je vois que vous êtes une experte du son pop rock, c'est votre truc ça. Ah oui. C'est-à-dire ouais. Vous iriez voir qui? En concert. YouTube, j'adorerais voir YouTube. Ah ouais, forcément. J'ai pas pu y aller il y a quelques années, j'étais enceinte de mon fils et du coup, j'ai raté le concert à Paris. Bon, c'est que partie remise, évidemment, il repasse et on offrira peut-être à nouveau des places sur l'antenne d'RTL2 comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Morgane, des vacances, 10 000 euros, du cash, différents cadeaux, c'est ça hein, la banque RTL2. Attention, coffre vide quand même, vous n'avez qu'une minute pour jouer, vous êtes prête? Top chrono. Oui. Une minute, coffre 1. Un séjour à l'hôtel Dolce Frégate en Provence. 3 jours de nuit en couple. Non, je passe avec le petit, ce sera pas possible. Coffre 2. Un concombre. Non, ça ira. Coffre 3, vite. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Des objets connectés pour la maison. Ah. Non, je passe. 35 coffre 4. Secondes. Un smartphone Huawei P20 Lite. Non, c'est tout bon, je passe aussi. Bon, tout ce qu'il faut, elle est équipée, coffre 5. Une console Nintendo NES Classic Mini. Non, je passe aussi. Attention Morgane, 20 secondes, coffre 6. Un ensemble Bose. 500 euros, écouteurs, enceinte. Non, je passe. 10 secondes. 10 secondes, coffre allez. 7. 2700 euros de cadeaux qui sont passés précédemment, oui. Mais c'est le jeu, évidemment, Morgane. On va vous offrir de quoi vous occuper pendant vos soirées d'été ou d'hiver. Deux DVD, Justine. Deux DVD, deux ambiances différentes. Vous avez le labyrinthe, le Romaine Mortel et également le DVD de 50 nuances plus claires. Ça va, oui. Eh ben, moi, je regarde la jaquette et elle lui enlève son t-shirt. Et lui, pareil, bizarre. C'est bizarre. Ça t'est jamais arrivé de ta vie, toi. Oh, bon, non, tu penses. On vous embrasse et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Morgane? Un double expresso. Rolling Stones sur RTL2 dans le double expresso Start Me Up. RTL2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Alors là, si vous êtes musicien, t'es musicienne, Justine? Non, j'aurais aimé, mais non. T'as l'oreille absolue, en fait. En vrai. Presque. Bon, ça joue pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. Pour tous les icos, tous les musiciens en herbe, tous ceux qui aiment la fête de la musique, j'ai une information de la plus haute importance. Si un jour, vous êtes, par exemple, en galère pour accorder votre piano, si votre guitare... votre ukulélé est mal accordé et que vous n'avez pas d'accordeur sous la main, vous pourrez utiliser, mesdames, messieurs, un chat. Un ronronne. Chat. Un chat qui ronronne. Rien, je caresse le cou là. Un chat vivant, pas une peluche. Oui, non, chat vivant, pas un chat mort. Non, un chat vivant. Il va plus ronronner. Tu me demandes s'il est vivant, je te réponds qu'il est pas un chat. Mais je parle d'une peluche. Oh, non, écoute, un chat vivant. S'il est souvent associé au bonheur du chat et les bienfaits, parce que c'est vrai, quand on caresse un chat, on est bien, il est là, c'est notre copain, bon, tout ça. Le ronronnement du chat qu'on vient d'entendre, sachez-le, c'est notre savoir inutile du jour, correspond pile poil. C'est un jeu de mots, pile poil, le chat, à la note sol. Do, ah ouais, ré, mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. Et bien, le ronronnement du chat, sol, c'est un sol. Et encore sol. Plus surprenant, c'est que tous les chats ronronnent à la même fréquence, quelle que soit leur race, leur âge ou même leur corpulence. Ça ronronne pareil, même fréquence, et c'est un sol. C'est bizarre, parce que là, le bruit, le ronronnement, ça me semble assez grave. Que le sol, c'est sol. Ça peut être un sol plus bas, de la gamme en dessous. Ré, mi, fa, sol. J'ai pas fait de solfège, donc je peux pas te dire, c'est une info. Mais par contre, ça, c'est ta tondeuse, Jérémy, c'est pas un chat. Hein, ça, ou alors, c'est un chat, il est pas, pour le coup, il est moins vivant que celui que Justine évoquait. Hein. Bad Wolves, Zombie, sur RTL2. C'est un chat en. Ouais, il a déjà 27-28 ans, quoi. C'est mon chat. À la retraite. C'est un chat qui est bien au bout de sa vie. Arrête, tu vas lui faire de la peine, c'est son chat. Oui, c'est mon chat, mec. Oh, je l'ai enregistré hier soir. T'as pas de chat, t'as un chien. Bah, toi, c'est un chien. Mais non, j'ai un chat. T'as un chat et un chien. Bah, oui. Bah, ok, Brigitte Bardot, dans quelques secondes sur RTL. Ça fait un an et demi qu'on bosse ensemble. Ah, je ne connais pas cet homme. Qui êtes-vous? Lorsque vous écoutez Adèle, vous êtes sur RTL 2. RTL 2 vous a fait découvrir Harry Styles. Texas, c'est forcément RTL 2. RTL 2. Le son pop rock. Oh, j'ai l'air fatiguée. Ouais, c'est le miroir. J'ai le teint jaune, non? Je suis à Uber. J'aurais pas un peu grossi? Mais non, c'est le meuble qui prend toute la place. Mais ouais, t'as raison. Faut qu'on aille chez Ikea refaire la salle de bain. C'est le moment de refaire une beauté à votre salle de bain. Jusqu'au 7 juillet, avec la carte gratuite Ikea Family, bénéficiez de moins 20% sur la combinaison lavabo Oudensvik plus meuble Good Morgan de 80 cm en blanc brillant à 215€ au lieu de 249. Ikea! Patrick, ça suffit, on y va. Allez, encore une offre, une toute petite. Regarde, il y a 20% de remise immédiate sur tout le rayon fruits et légumes. Tu te rends compte? 20%? Tu m'as déjà dit ça avec le poulet. Mais c'est les jours fous de frais chez Netto. Il y a des promos partout, c'est du délire. Netto, le discounter qui fait la différence. Hors promotion en cours, conditions complètes et liste des magasins participants sur netto.fr. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Votre nouvelle série comédie avec Laurent Dutch. Et si on quittait Paris pour se mettre au vert? C'est quand même mieux pour la qualité de vie, non? Enfin, c'est ce qu'on pensait avec Anna, ma femme, avant d'aller s'installer à Joyeux. Se mettre au vert peut parfois rimer avec galère. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Avec Laurent Dutch, c'est ce soir à 21h sur M6. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4 000 €. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. RTL2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, c'est la mozzarella. Mozart, il est où? Mozzarella, c'est la semaine italienne ici chez Lidl. En ce moment, la mozzarella di bufala campana AOP Italiamo est à 4,99€ les 500 grammes. La mozzarella di bufala, 4,99€ chez Lidl? Moins de 5€? Ah oui, oui, oui. Oh, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, patron. Hein. Eux, au moins, ils connaissent la musique. Et toi, tu baisses d'un ton, hein. Ok, ok, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,98€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Au contrôle technique, s'il vérifie votre pare-brise, c'est pas pour rien, non? Alors, si vous avez un impact, venez le faire réparer chez Carglass avant qu'il fissure. Et jusqu'au 30 juin, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre le nouveau contrôle technique dans les centres Décra et Norisco. Profitez-en, faut pas rater ça! Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Intersport! Chloé, t'as vu mon nouveau short Oxbow pour cet été? Waouh, il te manque plus que la planche pour être mon beau surfeur. Hey. Et les cheveux longs aussi. Et faudrait que t'ailles un peu à la salle. Bon, si le short te plaît, tant mieux. Vous allez adorer l'été chez Intersport. En ce moment, le short de bain homme Oxbow Sermitou est à 19,99€ au lieu de 39,99€. Soit 50% de réduction. Oui, moins 50%. On nage dans le bonheur. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Allô, bonjour, je cherche une grande berline avec un grand coffre. Bonjour monsieur, je vous propose Fiat Tipo à 9,990€. Elle a la clim? Oui, 9,990€ avec la clim. Et elle est garantie? Oui, garantie 3 ans et toujours 9,990€. Mais elle a combien de kilomètres? Elle est neuve monsieur. Ok, j'arrive. Fiat Tipo est à partir de 9,990€ bonus Ecofiat déduit. Le bonus Ecofiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin. Sur Tipo Berlin, 1 litre cal, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Intermarché vous propose d'écouter un fan de food après une victoire. Bon, je vais me prendre une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de food après une défaite. Bon, je vais me prendre une petite glace, moi. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de 6 glaces Magnum amande, la deuxième est à moins 70%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 juin. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Food veut dire nourriture. Bonjour et bon mercredi matin. Il est 8h01. Bienvenue. C'est tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon dans le viseur d'Anticor. L'association anticorruption va déposer plainte et demande au parquet de Paris d'ouvrir une enquête pour vérifier les comptes de campagne des quatre candidats à la présidentielle de 2017. Elle accuse notamment le patron de la France Insoumise et la présidente du FN d'avoir tenté de détourner de l'argent public pour servir leurs propres intérêts ou bien ceux de leurs proches. Les agriculteurs restent mobilisés. Après des heures de négociations, la présidente de la FNSEA a quitté cette nuit le ministère déçu. Elle estime que les propositions du gouvernement sont insuffisantes pour mettre fin au blocus des raffineries contre les importations d'huile de palme. Une quinzaine de dépôts de carburant sont toujours bloqués. 30e jour de grève à la SNCF, comptait en moyenne 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Hier, la direction a recensé 17% de grévistes, dont 53% parmi les conducteurs. De son côté, la CFDT Cheminots appelle à suspendre le mouvement durant la période du bac du 18 au 25 juin. Et puis attention, si vous prenez le train en Ile-de-France, la circulation est totalement interrompue depuis ce matin, gare Saint-Lazare, en raison d'une panne de signalisation. La SNCF invite les passagers à reporter leur déplacement. Incident diplomatique autour de l'Aquarius. Hier, Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien qui refuse d'accueillir les 630 réfugiés à bord du navire. Réponse de Rome, nous n'avons pas de leçons hypocrites à recevoir d'un pays comme la France. Les demandeurs d'asile ont entamé hier soir leur traversée pour l'Espagne qui leur a ouvert ses portes. Après l'Irlande, un vote historique en Argentine, les députés doivent se prononcer aujourd'hui sur le projet de loi légalisant l'avortement. Le scrutin s'annonce très serré, le oui a une très légère avance dans les sondages, mais il se heurte à la résistance de l'Église. Et puis en football, inquiétude dans le camp tricolore à la veille du coup d'envoi du Mondial. Hier, Kylian Mbappé a quitté prématurément l'entraînement, touché à la cheville gauche, mais on se rassure finalement, il nous a rassuré sur son compte Twitter dans la soirée. Heureusement. En revanche, déjà absent la veille pour des douleurs au genou, Djibril Sidibé et Samuel Umtiti se sont contentés de courir sans participer à la séance. La météo, 13 départements restent en vigilance orange inondation ce matin. Mais globalement, le temps va enfin s'améliorer sur la majeure partie du pays avec la fin des orages prévus pour aujourd'hui. Il y aura encore quelques pluies dans la matinée, surtout du côté des Pyrénées, mais aussi du côté des Alpes, en Corse et sur le Jura. Ailleurs, le ciel assez chargé en début de journée va s'éclaircir l'après-midi et le soleil finira par s'imposer un peu partout. Oui, il est là. Les températures, elles continuent de baisser en revanche. 11 degrés seulement ce matin à Paris, 13 à Dunkerque, Landerneau, Montbéliard, Clermont-Ferrand, 17 à Juan-les-Pins, 18 à Ajaccio. Cet après-midi, on attend 17 au Havre, 19 à Tours et Strasbourg et 20 à Paris et Mâcon. 8h04, c'est le double expresso RTL2. On est mercredi aujourd'hui. Bonjour Justine. Coucou tout le monde, salut Greg. Bad Wolves et Zombies pour ouvrir cette dernière heure du double expresso ce matin. Bienvenue. Bad Wolves et Zombies sur RTL de 8h07. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Et on est ensemble jusqu'à 9h. Bonjour à tous, bienvenue l'équipe. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Bonjour Jérémy aux manettes. Bonjour. 8h55 hein, pour Jonathan. Bonjour Max. Bonjour. Les réseaux sociaux évidemment. Vivi au standard jeu le 32-28. Bonjour ma Juju évidemment. Ah, bah bonjour. Mais je te dis bonjour juste avant Bad Wolves, oui. C'est pour ça. Vous me permettez d'être sérieux quelques secondes? Oui. Vous m'autorisez ça, et ça vous concerne toutes et tous. C'est la 15e édition de la journée mondiale des donneurs de sang. C'est demain. C'est demain. Toute la semaine, il y a 1000 points de collecte afin d'accueillir le plus grand nombre de donneurs. Vous savez, on en a besoin. Il y en a forcément une près de chez vous. Tous les renseignements nécessaires, tous les points de collecte sont accessibles sur le site de l'établissement français du sang. C'est don200.efs.santé.fr. don200.efs.santé.fr. Et sachez que pour info, 10 000 dons sont nécessaires par jour quand même. L'année dernière, la journée mondiale des donneurs de sang avait permis de recueillir, alors pour info, retenez quelques chiffres, de recueillir 65 874 dons de sang, donc c'est pas mal, et recruter 10% de nouveaux donneurs. Bah, il faut faire mieux cette année, ouais. 10% de plus l'an dernier, il faut essayer de faire 10, 15, 20%. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 avec le lien pour donner et savoir où sont les points de collecte évidemment, et aller donner votre sang. Alanis Morissette, Hand in My Pocket sur RTL2. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to, you said every Morissette et Hand in My Pocket à 8h25. L'horoscope sera présent. 8h35, le winner du jour avec Justine. La banque RTL 2, 32-28 jusqu'à 10 000 euros à gagner. 8h45, puis le top 3 de Jonathan. Justine, l'info expresso, tu ne prends pas de café, tu bois quoi toi le matin? Je bois pas de café, je bois du jus d'orange. Alors ça peut te concerner quand même parce que nous, le café, c'est notre truc ici, évidemment, on se lève tôt comme vous. C'est notre spécialité et je vais vous en apprendre beaucoup sur le sujet. Une nouvelle façon de déguster votre café. Vous voulez tout savoir? C'est dans quelques secondes. Et pour le son pop rock. Ouh! La chanson qui motive dès le matin, Survivor, Eye of the Tiger. Et c'est sur RTL 2. Oh. RTL 2 a été la première radio en France à jouer Portugal Demain. Blue, vous les avez découverts sur votre radio. RTL première radio en France à jouer ce titre de pique. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical ? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche ? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une maison injection, efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. Oui, c'est ça, c'était en avril, parfaitement. L'Opel Karl, à partir de 6750 euros, avec 5 portes, climatisation, aide au démarrage en côte, et j'y avais pas cru, et l'offre, elle est passée, voilà, je m'en souviens. Le truc que j'aimerais oublier, je m'en souviens. C'est bien fait, la vie. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Karl est vraiment à partir de 6750 euros. C'est ça, 6750 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Intersport. Non mais Paul, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, des t-shirts. Oui, non mais là, c'est beaucoup de t-shirts. Attends, je peux tout expliquer, il y en a exactement 93, un pour chaque jour de l'été. Non mais enfin, Paul. Vous allez adorer l'été chez Intersport. En ce moment, les t-shirts hommes ou femmes sont à partir de 9,99€ l'unité. Oui, 9,99€. Jack and Jones, Umbro, Quicksilver et plein d'autres marques. À vous de choisir. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Tout au long de la journée, RTL2, le son pop rock partout en France. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make like a jacket, so do yours. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Since just me and you. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Ça va, t'as passé une bonne soirée hier? J'ai regardé le foot. Ah, ouais. Avec Zizou. Ouais. Qui a un beau but. Ça m'a ému. 27% des hommes effectuent plus de tâches domestiques que leurs conjointes. C'est-à-dire un quart des hommes font plus à la maison que leur épouse. Il y a du progrès, hein. C'est pas mal, c'était 17% en 85. Tu y es, toi ? Ouais, non, on est égalité. Pas mal, bravo. Égalité. Voici Survivor, Eye of the Tiger sur RTL2. Eye of the Tiger sur RTL2, il est pile 8h20. L'info expresso du double expresso RTL2. L'info expresso trouvée ce matin sur gradia.fr. Oui, je vous parle de café. Forcément, qui dit double expresso dit info expresso sur le café. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais là, pour le coup, oui, ça marche. Vous avez pris votre petit déj, vous êtes arrivé, vous êtes à la machine à café et vous prenez du sucre, un peu de lait en supplément. Alors, dans ton thé, par exemple, Justine, ou du d'orange. Je prends de l'aspartame. D'accord. Jonathan ? Je ne bois pas de boisson chaude. Ah oui, pas de boisson chaude, pas de sauce, pas de... Oui, c'est vrai. Faut pas que je parle nourriture et boisson avec toi, parce qu'on s'en sort pas. Jérémy. Café au lait, moi. Ah oui, beaucoup de lait, toi, c'est vrai. Beaucoup de lait, ouais. Incroyable. Non, c'est lait au café, même. Non. Oh, si, si. Et Max? Moi, comme toi, un petit café sans sucre. Ouais. Toi, voilà. Sans sucre, café sans sucre. Ah ouais. Voilà. Ah, comme le chef. Le demi-sucre. Ah ouais, ouais, le demi-sucre, toi, le petit truc pour pas culpabiliser. Bon. Eh bien, sachez que l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, c'est long, hein, et du groupe d'agriculture Hort Innovation ont créé une nouvelle façon, écoutez bien, de donner une seconde vie aux légumes moches. Vous vous souvenez des légumes moches? Oui, il y a une campagne de télé sur les légumes moches. Mangez-les, ils sont moches, mais ils sont bons. Ouais. Et bien là, vous allez me dire quel rapport avec le café. Oui. C'est simple. Ils broient, ils les sèchent, ils les transforment en une fine poudre, ces légumes moches. Et après, vous en mettez 2 cuillères dans votre café ou votre boisson chaude. Comme ça, vous consommez vos fruits et légumes et ça n'altère pas le goût du café ou de votre thé. Toutes sortes de légumes. Bah, en tout cas, oui, les moches, exactement. Les dès moches. Qu'ils sont moches, les tu peux les mettre. Dès que t'es un légume lait, une carotte un peu laide, un poivron un peu pas beau, une tomate un peu cabossée, on te broie, on te met en poudre et on te met dedans. Ça réduit le gaspillage alimentaire, ça permet de manger plus sainement. Et a priori, je dis, ça n'altère pas le goût de votre café. Et c'est bon pour le teint. Ça, c'est... Ah bon ? Ouais, c'est les bon carottes pour le qui teint. Rendent rose, me dit ma grand-mère tout le temps. Ça rend aimable. Ça rend aimable. Mange plus de carottes, ça rend aimable. C'est Georges Ezra, Budapest sur RTL2. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Oh, you. Oh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, oh, you, fat libido. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. Ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Georges Ezra, Budapest, dans le double expresso, RTL de 8h24, c'est l'heure de l'horoscope. Justine, médaille de bronze, les cancers. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, ne soyez pas si méfiants. Les balances. Vous êtes un peu trop extraverti, laissez de la place aux autres. Les sagittaires. Vous êtes de mauvaise humeur, les sagittaires, c'est comme ça, et tout le monde devra faire avec. Médaille d'argent pour les béliers, j'ai mon micro qui est tombé. Oh là là, c'est pas possible, je suis là. Vous savez résoudre les conflits, les béliers, un vrai médiateur. Taureau. Vous avez de la chance ces derniers temps, les petites victoires s'enchaînent. Les Gémeaux. Vous en faites beaucoup pour vos proches. Quand on aime, on ne compte pas. Les Lions. Vous savez choisir les projets qui valent le coup. Une clairvoyance qui n'est pas donnée à tout le monde. Ah, tu parles là, le mot, yeah, c'est les projets. Scorpion. Vous êtes populaire au travail en ce moment. Profitez-en. Les Capricornes. Vous n'avez pas une seconde à vous. Il faut dire que vous êtes devenu indispensable. Verseau. Vous savez prendre du recul quand il le faut. Les conflits, très peu pour vous. Vous avez les Poissons. Il y a de belles rencontres dans l'air. Laissez-vous porter. Et la médaille d'or du jour, c'est pour vous, les Vierges. Les Vierges, le karma est de votre côté ce matin. Tout va dans votre sens. Cheryl Crow, if it makes you happy sur RTL2 à 8h25. Il y aura le winner du jour. Et puis évidemment, la banque RTL2 d'ici 20 minutes. Vous nous appelez au 3228 ou banque au 74 900. RTL2 vous invite au mythique festival américain Lollapalooza, samedi 21 et dimanche 22 juillet à Paris. Deux jours, quatre scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Ragan Bone Man, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal de Man, Kaleo. Restez bien à l'écoute d'RTL2, la radio pop rock. Oui, c'est Golen. Sortons de ce vernissage si peu intéressant et filons maintenant découvrir le superbe style de Citroën C3 graphique. Maintenant? Oui, car ce sont les jours, c'est maintenant chez Citroën. Et c'est maintenant qu'il y a des offres sublimissimes. En ce cas, sortons expressément en profiter. Pendant les jours, c'est maintenant, Citroën C3 graphique avec pack safety et tablette tactile est à partir de seulement 12 490 euros avec les reprises Eco-Inspired. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin sous condition de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État. Conditions sur service-republique.fr et sur citroën.fr. Avec les crédits conso du Crédit Agricole à taux spécial, encouragez les Bleus à domicile. Devine quoi? On part soutenir l'équipe de France. Waouh, trop bien! Je prends quoi? Tes potes, mes potes et hop, direction le salon devant la nouvelle télé. Télé, meubles, déco, avec les crédits conso du Crédit Agricole, équipez-vous pour soutenir les Bleus à domicile. Crédit Agricole, toute une banque pour vous.